Voici le signal horaire du Conseil national de recherche du Canada. Au début du trait prolongé, il sera exactement lundi, heure normale de l'Internet. C'est quoi ça? En manchette cette semaine, plaire au plus de gens possible avec une super chronique hot. Après tellement d'attentes, le retour du super quiz interactif désynchronisé et inversé du Grand David et une toune remplie de spoilers. Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième épisode des Podcasquettes, qui revient à chaque semaine maintenant depuis deux semaines. Trois. C'est la troisième ouais, fois? Depuis oui, deux semaines. Ouais, depuis c'est deux le troisième, semaines. Okay. Tu Je suis David de Légendaire et avec moi se trouve Oli. Hello. Et Narf. Yes. Narf t'a dit que t'avais une super chronique cool. J'espère qu'elle va être cool parce que si elle est pas cool, je m'en vais me coucher. Non, en fait, j'ai pas dit que j'allais avoir une chronique cool. J'ai dit que, c'est écrit là, je vais faire une chronique qui va plaire. Ah, ben plais-moi. C'est une chronique qui va plaire au plus grand nombre de personnes. Ben plais-nous. Il va avoir du service. Passe nos plaies et plais-nous. Non, mais c'est parce qu'en fait, pour plaire au plus grand nombre de personnes, moi je me suis dit que vous allez me trouver le sujet de ma chronique. Ça, c'est une manière de dire que t'avais rien préparé pis que tu voulais pas que ça paraisse. Peut-être. On verra tantôt. J'aimerais ça que tu me sortes n'importe quel sujet de chronique. Ben, j'aimerais ça que tu nous parles de Linux. De Linux? Ouais. Ok. Oli, t'aimerais ça que je parle de quoi? Des goélands. Des goélands. Ok. Pis moi, j'avais de quoi d'écrit dans leur Donc, veux-tu faire une toune à Narf? Non. Faire une chronique à Narf avec des mots qu'on lui a donnés. Attends une minute. J'ai quelque chose d'écrit. Bon, là, ils cherchent live. Là, ça fait très sérieux. Un trou dans le podcast. Ah. J'avais de quoi d'écrit, mais je me rappelle plus pourquoi j'ai écrit ça. Alors, on va se pogner un truc. J'ai écrit anticonstitutionnellement avec des gens. Non. Bon, pendant que Narf est en train de chercher, on pourrait remplir le trou dans le podcast. On va juste attendre deux secondes. Puis faire, mettons, des bruits de langue. Ou ben d'autres choses comme des imitations de vaches. Mais ça va faire rire Narf, fait qu'on est mieux de pas le faire. T'as-tu trouvé ce que tu cherchais, Narf? Non, c'est ça, je pensais que je l'avais écrit, mais... Ben au pire, chez nous, une chronique pareille. Ok, c'est beau. En fait, je pense que je peux parler de jeux vidéo. Vas-y, parle-en. Parce que moi, je pense que, je veux dire, la chronique à Narf, Narf s'en va en game design, Narf parle de jeux vidéo. Mais fait que tu feras pas une chronique qui plaît, finalement? Je fais une chronique qui me plaît à nous trois. C'est en ça le concept. De Mother Sauf 3? Que, ben non. Ça va être plus intéressant que la suite. Ben non, parce que je peux pas parler de Mother 3, écoute, tu veux pas, ouais, tu vas pas sais, encore jouer, puis ça va te faire des spoilers. Fait que là, je pourrais parler de jeux vidéo. Pis là, ben, en fait, j'ai un jeu que j'ai téléchargé, ça s'appelle Cubello, pis c'est ben bon, mais je peux pas en parler. Parce que c'est sur la Wii c'est Nintendo, Nintendo fait le Game Boy Advance, pis le Game Boy Advance est sorti Mother 3. Écoute, si je parle de Cubello, tu vas tout de suite penser à Mother 3. Alors, peux-tu parler je vais de pas Cubello? Parler de ça. C'est pourquoi les camions de pompiers sont en okay. David, c'est quoi ta chronique que tu m'as dit de faire tantôt? Linux? Linux. Linux. Tu pourras pas en parler. Linux, ben, j'aimerais bien ça pouvoir en parler, mais je peux pas. Pourquoi? Parce que Linux, il y a une version qui s'appelle Red Hat Linux. Red, c'est rouge. Rouge, c'est la couleur de Mother 3. Écoute, je suis désolé, David, mais tu m'obliges à pas pouvoir okay, en parler. Ben de quoi tu peux parler? Fait que je vais pas pouvoir parler de Linux. De quoi tu peux parler? Fait que je veux dire, je veux plaire à tout le monde, mais ça part bien mal. Oli, c'était quoi, tu m'as dit? Les goélands. Les goélands. Je suis vraiment désolé, Ali, c'est ce que je veux dire. J'aurais vraiment voulu pouvoir parler de goélands. Mais les goélands, c'est les scouts. Tu sais, il y avait notre groupe de scouts. C'était le des scouts. Goéland, le boss goéland. Puis des scouts, ben, je veux dire, il y a ça dans les orphelins Baudelaire. Puis les orphelins de Baudelaire, ils ont fait 13 livres. Pis dans 13, il y a le chiffre 3, puis il y a Mother 3. Ali, je peux pas en parler! Ok, bon. Vu que Nat peut rien parler, on va passer au segment suivant. Le quiz interactif désynchronisé et inversé. Mais ma chronique! On s'en fiche. Mais ma chronique! Donc, le quiz interactif désynchronisé et inversé. Mais là, je boude, là. Ok, bon, ben, tu boudes live. Ok, c'est cool. Je boude. Ok. Fait que, on a, comme à l'accoutumée, le grand David nous a envoyé 1 milliard de réponses auxquelles il attend des questions. Pis nous, vu qu'on est hot, pis qu'on est 3, on va donner des super questions. Parce que c'est la brigade SMW, c'est nous qui posons les questions. C'est nous autres qui posons les questions. C'est le slogan, genre, de cette section-là. Ah, cool. Fait que la question cette semaine, cette fois-ci, dans ce podcast. Ah oui, la réponse. Mais on donne pas la question de la semaine d'avant, non? La semaine d'avant, ça fait trop longtemps. Ok, on va la donner sur le blog. Ouais. La réponse, c'est non. Pas vraiment. Mais j'y pense. Sûrement que je le ferai. Mais c'est un peu gênant à dire comme ça. J'ai quand même un peu de retenue, mais quand même. Comme c'est une réponse assez compliquée, je vais la répéter une deuxième fois. Essaye de faire ça. Non, pas vraiment, mais j'y pense. Sûrement que je le ferai, mais c'est un peu gênant à dire comme ça. J'ai quand même un peu de retenue, mais quand même. Là, faut trouver une question qui fit avec cette réponse-là. Ouais. Fait que t'as-tu une question, Nart, à poser? Donne-moi 2-3 secondes pour y penser. Là. Le temps que j'aille chercher ce que j'ai écrit. Grand David, t'as-tu déjà sauté par-dessus une barrière de métro? Non, pas vraiment, mais j'y pense. Sûrement que je le ferais, mais c'est un peu gênant à dire comme ça. J'ai quand même un peu de retenue, quand même. Toi, Ali, t'as-tu une meilleure question que ça? Ouais, sur la poche. Non, ça va pas être le punch. Okay. Ouais, moi, ma question, là, c'est... Est-ce que t'as déjà comme écouté le Grand Journal avec Jean-Luc Mongrain? Non, pas vraiment, mais j'y pense. Sûrement que je le ferais. C'est un peu gênant de dire comme ça. J'ai quand même un peu de retenue, mais quand même. J'avoue que c'est moi, pas... Moi, ma réponse, c'était sur les Milans. Est-ce que tu serais du genre à exploser? Non, pas vraiment, mais j'y pense. Sûrement que je le ferais, mais c'est un peu gênant de dire comme ça. J'ai quand même un peu de retenue, quand même. Fait que, ben, on dit-tu la solution tout de suite à la question? On va faire pas comme d'habitude, puis on va aller sortir la solution. On va vous donner la solution tout de suite. Fait que la vraie question, c'est... Si tu te faisais attacher sur une chaise pendant une semaine au complet, est-ce que tu te ferais pipi dessus? Wesh! Non, pas vraiment, mais j'y pense. Sûrement que je le ferais, mais c'est un peu gênant à dire comme ça. J'ai quand même un peu de retenue, mais quand même! C'est pour ça que je parlais de retenue, mais quand même! C'est là toute la petite subtilité! J'avoue que c'était pas pire. Fait que, ben, on... Ah oui! Cette fois-ci, on a aussi une autre innovation. On aimerait ça savoir, comme l'avis du public, c'est laquelle des questions que nous trois on a posé, ou même celle du grand David, là, parce qu'il est tellement un fidèle auditeur qu'on va le rentrer dans le concours. On aimerait ça savoir votre avis sur c'est qui la meilleure question. Donc, faites nous envoyer comme la réponse par le Gmail de la brigade au brigade.snw@gmail.com ou nous laisser un surpuissant message sur la boîte vocale au 514-90-PIRAT. S'il est assez surpuissant, on va peut-être le passer dans le prochain podcast. La seule affaire, c'est que moi, quand je parlais de faire un vote, je parlais de nous, on vote tout de suite là. Ah, ben on peut faire les deux. Le vote du public puis le vote du jury. Si le vote du public marche pas, le flusherai la prochaine fois. Ouais. C'est-à-dire fait que, ben moi, je trouvais que la question à Ali était drôle. C'était quoi déjà la question? L'affaire avec Jean-Luc Mongrain. J'avoue que Jean-Luc Mongrain gagne. Ben, bravo, Ali. Youhou! Fait que... Je gagne quoi? Ah! Je peux-tu gagner du fromage? Je vous en avais parlé plein de fois. Ouais, du fromage suisse. Oh! On est plus dans le bon podcast, David. Ça, c'était la semaine passée, le fromage suisse. Ah ouais, c'est vrai. Une semaine plus tard, je me... Tu sais, la semaine a passé comme si c'était 15 minutes. Ouais. Bon, en tout cas. Fait qu'on va se laisser sur une toune plein de... Oh non, Nart! Pas une toune du groupe Mother qui est comme Mother 3. C'est quoi, c'est une toune plein de spoilers? On peut pas en parler, on peut pas en parler. Mais là, écoute, on peut en parler, mais on peut pas la passer. J'essaie. Oh, là. Non, c'est le contraire, on peut pas en parler, mais on peut la passer. On peut la passer. Fait que parle-en pas, puis on l'écoute. Mais non, faut quand même dire le titre. Ben, c'est la tune, Body c'est... of Ears, à ne pas confondre avec Body of Ears. Hein? Avec des oreilles. Avec des oreilles de lapin. Ah, parce que quand on l'écoute, on a vraiment l'impression qu'ils disent Body of Oreilles. Puis je voulais juste dire que ça, c'était une toune qui était downloadable gratuitement sur iTunes, mais là, elle est rendue payante, fait que, ben... On était légal quand on l'a loadé. Moi, je l'ai loadé quand elle était légale, puis ben, vous lâcherez, de toute façon, c'est rien qu'une pièce. Bon, fait que on se retrouve la semaine prochaine avec le podcast numéro 4, qui est quand même la moitié de 42, fait que ça va être un podcast super cool. C'est comme le podcast. Ah, non, ok, c'est beau. Fait que, à la semaine prochaine, puis d'ici là, oubliez pas de nous laisser plein de messages cool pour qu'on puisse parler de vous la prochaine fois. Fin! That I leave all alone. It's just a body of years, now a pile.